Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, les dispositifs pour protéger les mineurs. Pour protéger les mineurs, deux dispositifs existent. On les regroupe sous l'appellation protection de l'enfant. Cela comprend l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. L'ASE concerne les mesures applicables à un mineur en situation de danger ou en risque de l'être, et la PJJ concerne les mineurs auteurs d'infractions relevant d'une prise en charge adaptée à leur âge. Alors comment les enfants sont-ils protégés? L'ASE et la PJJ peuvent prendre différentes mesures, soit pour protéger un enfant en situation de danger ou en risque de l'être, soit pour assurer la protection et l'éducation du mineur délinquant. Ces mesures peuvent être administratives ou judiciaires, c'est-à-dire avec l'intervention par exemple du juge des enfants. S'agissant de l'enfant victime, la règle est de favoriser son maintien au sein de la famille. Afin d'assurer la protection de l'enfant, l'ASE peut faire intervenir un éducateur à domicile dont le rôle est d'observer les interactions familiales ainsi que leur évolution. En revanche, lorsque le maintien de l'enfant chez ses parents constituerait un danger pour lui, il peut être confié à un foyer, à une famille d'accueil ou à une personne digne de confiance qui peut être toute personne avec laquelle l'enfant entretient des relations privilégiées. Les parents, bien entendu, d'un enfant placé bénéficient la plupart du temps d'un droit de visite et ou d'hébergement en fonction de la gravité des faits. Toutes ces mesures visent à garantir la sécurité, la moralité, l'éducation, la santé mentale et physique et l'épanouissement de l'enfant. Quant à l'enfant dit délinquant, les mesures prononcées par la PJJ visent à favoriser son intégration et son insertion scolaire, sociale et professionnelle. En fonction de son âge, de la gravité des faits commis et de sa personnalité, le mineur délinquant peut faire l'objet de mesures éducatives, de sanctions éducatives ou bien encore de sanctions pénales. Il s'agit ici essentiellement de le protéger et de l'aider plutôt que de le punir. Concrètement, la PJJ peut proposer des interventions dans le milieu familial ou bien encore un placement en établissement ou en famille d'accueil ou bien encore la mise en place d'activités de jour. Alors, qui sont les professionnels intervenant auprès de l'enfant? Le mineur bénéficiaire de l'aide sociale à l'enfance est principalement en contact avec un assistant, assistante sociale et un éducateur spécialisé référent, c'est-à-dire un professionnel en charge de son dossier. De manière plus épisodique, il peut être amené à rencontrer le juge des enfants et éventuellement un assistant ou une assistante familiale et sa famille dans l'hypothèse où il serait placé en famille d'accueil. Quant aux mineurs relevant de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, il a pour interlocuteurs des éducateurs de la PJJ, psychologues, des assistants sociaux et parfois des professeurs techniques et des médecins. Alors enfin, pour terminer, pourquoi les mineurs ont-ils besoin de cette protection? Lorsque les parents traversent des périodes difficiles, leur est parfois compliqué d'exercer pleinement et de manière adaptée leur autorité parentale. Il est important de leur proposer des aides et des services adaptés aux difficultés qu'ils rencontrent pour leur permettre de s'occuper de la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ainsi que des développements physiques, affectifs, intellectuels et sociaux de leur enfant. Parfois, il est difficile de comprendre d'où peuvent venir les difficultés qui ont mené un mineur à commettre des actes graves. Les mineurs relevant de la PJJ sont certes des délinquants, mais ils sont avant tout des jeunes qui ont besoin non seulement d'un rappel des règles sociales, mais aussi d'une aide face à leur souffrance. Ce n'est pas parce que l'on a commis une fois un délit que l'on est destiné à un avenir de délinquant. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.